Bonjour ou bonsoir, tout dépendant, bien entendu, à quel moment vous allez écouter cet enregistrement. Alors, bienvenue dans l'étude thématique numéro 4 qui va porter sur la sensibilité. Son titre est la sensibilité psychique. Donc, l'enregistrement présent est en relation avec un texte qu'a écrit Marc de la Salle s'y rapportant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le lien web figurant en bas de cet enregistrement, et dans lequel il a été notamment question de Céline Dion. Alors, bonjour, Marc. Bonsoir David, ou bonjour. Oui, bien sûr, on va dire bonjour et bonsoir, tout dépendant à quel moment de la journée les gens vont nous écouter par la suite. C'est bon. Donc, on peut commencer à présent cette étude. Donc, tout d'abord, ça peut être intéressant de définir c'est quoi la sensibilité psychique. C'est une dimension qui appartient énormément à l'incarnation d'une personne pour se donner une vie agréable un jour, mais il faut vraiment que cette sensibilité-là ou cette conquête-là de l'individu, de cette sensibilité-là psychique, provienne d'une compréhension très, très grande de comment elle fonctionne avec son intelligence. Sa volonté, puis son respect pour les individus. Donc, la sensibilité psychique provient essentiellement de la nature cosmique de l'intelligence dans une personne en lien avec ce qu'elle est venue aussi faire sur Terre dans cette incarnation-là. Il y a des gens qui ont une sensibilité qui va leur permettre de voir certains aspects de la vie, alors qu'il y en a d'autres qui ont une sensibilité psychique qui se développe en lien avec les plans invisibles, parce que ils ont la capacité d'interchanger à des niveaux d'intelligence et de subtilité vibratoire avec les plans universels, leur permettant de mieux cibler les entrées astrales dans une conscience, de mieux cibler aussi le discours de l'intelligence, de le contester si ça ne fait pas d'allure, aussi de nuancer le principe de l'amour qui nourrit presque tout. Il y a des gens qui pensent que on doit aimer presque tout le monde, alors que c'est complètement faux, parce que ça, c'est un amour astral. Le principe de l'amour est beaucoup plus restreint que cela. Et est-ce que c'est en lien beaucoup avec la volonté? Très peu avec la volonté et la sensibilité psychique. OK. Et à l'origine de la sensibilité, est-ce qu'on peut dire que c'est le produit d'une intégration de l'énergie qui provient du plan mental qui permet de générer cette sensibilité au sein de l'individu? Ah, David, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est nécessairement cela. C'est une intégration très avancée de sa propre compréhension de la vie en lien avec toutes les oppositions que l'on a pu vivre, mais aussi dans la capacité de retourner ce que l'on vit d'une manière absolue qui ne permet pas de manipulation. Parce que la sensibilité psychique doit permettre d'élever le mental de l'homme au même nom que le verbe de la lumière. C'est-à-dire que si tu ne peux pas contester la lumière d'aucune façon, c'est qu'à quelque part, ta sensibilité psychique pour capter la difficulté d'une âme à évoluer n'est pas encore assez grande. Et pour être dans la sensibilité psychique, il faut voir que l'âme est bourrée de mémoire qui l'empêche d'avancer. Et pour contrecarrer ces mémoires-là, il y a des expériences, il y a des événements qui vont surgir pour tout simplement mettre en état d'échec et mat l'âme. Et là, la personne, elle va souffrir, hein, tu t'en conviens, elle va souffrir automatiquement lorsque. Donc, son taux vibratoire va diminuer. Puis lorsque son taux vibratoire diminue, là, elle peut être autant dans une sensibilité à fleur de peau, elle peut être dans la sensiblerie, elle peut être dans de l'ego, mais c'est jamais une compréhension absolue de qu'est-ce qui lui arrive. Et la sensibilité psychique, ça doit essentiellement permettre à une personne de se centrer, puis de mettre toutes ce qui tourne autour de sa tête au neutre. Et là, quand que tout ça autour de sa tête est au neutre, elle commence à faire des nuances. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple de Céline Dion. Si je rappelle, parce que je le décris dans le texte, mais les gens savent qu'elle est à Las Vegas, puis qu'il y a une femme qui a monté sur le Sur la scène, là, dans le sur cadre la de scène. spectacle en début de Puis là, 2018, oui. elle a commencé à vouloir lui donner des accolades. Puis là, il y a un garde de sécurité qui est arrivé. Mais Céline, elle a capté ce qui se passait très, très rapidement parce qu'elle a une grande expérience de la scène, mais elle a aussi une grande sensibilité au niveau de son talent. Puis là, parce qu'elle sait qu'elle ne se réfléchit pas trop quand elle est en spectacle, la femme. Puis là, elle dit tout simplement, ce sont mes amis, là, les gardes de sécurité. Puis là, elle l'invite tranquillement à quitter. Une fois qu'elle a quitté la scène, la personne, Céline s'allonge. Puis ouf, là, parce que ça aurait pu mal tourner. Mais étant donné qu'elle a été respectueuse, puis elle comprend la situation qu'elle vit, elle, mais en lien aussi avec la game qui se joue pour une autre personne, qui elle, puis là, quand elle se relève, elle dit, les gens ont besoin d'être écoutés, les gens souffrent énormément, puis c'est en plein ça. Il n'y a aucune personne équilibrée qui va prendre l'alcool pour oublier ce qu'elle va faire, puis s'embarrasser elle-même. Donc, Céline est consciente de ça. C'est pour ça que je dis, la sensibilité psychique, là, c'est une compréhension absolue de tout ce qui se passe autour de soi. C'est un radar psychique Oui. qui permet d'équilibrer les éthers. Puis la femme qui est montée sur la scène n'a pas été déséquilibrée par Céline Dion. Elle l'a balancée en tant qu'âme. Puis elle était capable d'esprit parce qu'elle était intelligente dans ce qu'elle a fait. Je ne dis pas que Céline Dion est intelligente tout le temps. Tu sais, je dis Oui. simplement que dans son talent, à l'intérieur de sa sensibilité à elle, elle était psychiquement intelligente pour ne pas débalancer la personne parce qu'elle savait ce qui se passait et qu'est-ce que ça impliquait. Mais c'est sûr que le lendemain, elle n'a pas donné son spectacle. Elle a décidé de ne pas donner son spectacle. Est-ce que c'est en lien avec ça lui appartient? Mais encore là, ça démontre que si tu n'es pas capable de comprendre ta vie, ta sensibilité psychique, là, tu n'en auras jamais. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que en lien avec Céline Dion, ce qui est intéressant de voir, c'est que elle a été très respectueuse avec l'autre personne, a essayé de la calmer, Oui. de la désamorcer, plutôt que de dire au garde du corps, envoyez c'est là, puis faites-la sortir de scène. Donc, elle a été avec beaucoup de douceur, de délicatesse. Elle a été aussi très respectueuse par rapport à l'autre, Oui, dans le sens que puis elle est consciente aussi qu'elle est devant sur une scène, puis il y a des gens qui sont témoins de qu'est-ce qu'elle va faire. oui, puis c'est filmé. Il y a une personne qui a mis sur YouTube la vidéo C'est ça. de l'autre personne qui l'enlace là, en état C'est d'ébriété, la ça, c'est dame, ça. là. Donc. Puis ça aurait pu, comme tu dis, très mal tourner, et ça n'a pas très mal tourné, parce que elle a été capable vibratoirement d'englober l'autre pour la respecter. Oui, Donc, donc dans ce moment-là spécifique, elle a fait preuve d'une belle sensibilité. oui. Oui. Elle a démontré, en gros, que si tu es capable de voir qu'il n'y a pas une personne sur la Terre qui ne vit pas des difficultés, puis que si tu n'es pas capable d'accompagner une personne, puis tu n'es pas capable de reconnaître qu'est-ce qu'elle vit, tu sais, je donne un autre parallèle. Je vais donner l'exemple de la tragédie du lac Mégantic avec Tom Harding, qui était le chauffeur de la locomotive. Là, on découvre dans le procès que finalement, il avait mis 7 freins, il aurait dû en mettre beaucoup plus, mais il y a eu un incendie aussi qui fait que les pompiers ont arrêté la locomotive et lui, il s'est en allé chez lui. Si la locomotive continuait de fonctionner, les 7 freins auraient pu faire le travail. C'est ce qu'on apprend dans les délibérations, là. Puis, en gros, lui, ce n'est pas nécessairement un criminel endurci comme les criminels des crimes organisés. Cet homme-là, on veut le mettre au banc des accusés. Puis là, imaginez la vie qu'il vit, cet homme-là, entre-temps. Quand on a une sensibilité psychique, là, on regarde l'expérience de l'individu. Ouais, il est vraiment mal foutu parce que tout veut qu'on trouve un coupable, toute la société veut qu'on trouve un coupable, puis on veut que ce soit celui qui est le plus représentatif. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le crime organisé? Ils sont pas coupables de rien. Donc, quand on a une sensibilité psychique, là, on est capable de nuancer tous les événements, puis de voir les rapports qui se manifestent ou qui sont interreliés. Parce que pour moi, l'arrêt Jordan qui permet à des criminels organisés de sortir de prison et que M. Harding vit des grandes, une grande souffrance en lien avec ce qui se passe dans sa vie, c'est interrelié comme société de demain. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Est-ce que tu es capable de voir une similarité, toi, David? Non, c'est du deux poids, deux mesures, puis en effet, c'est totalement aberrant que quelqu'un qui n'a pas voulu commettre un crime de manière intentionnelle soit, dans le fond, jugé plus sévèrement que d'autres personnes qui, intentionnellement, par exemple, vont vendre de la drogue. Ben voilà. Puis on n'est pas capable de voir, par exemple, la sensibilité psychique de l'ado premier ministre du Canada, parce que Joseph Facal l'appelle l'ado, lui, dans ses articles. Ben, il ressemble d'un ado, c'est vrai. Après tout, il se fait Puis prendre en parce photo régulièrement, Justin Trudeau, puis il s'admire, puis il est bien beau, puis il est bien fin. légaliser la marijuana, là, c'est une moindrement une sensibilité psychique, là. Tu sais, y a des villes qui vont décider de pas permettre de consommer de la marijuana en public sur des terrains publics. Tu sais, une femme qui passe avec ses enfants de 2-3 ans, puis là, le monde, il fume de la marijuana, puis ça rit, puis ça fait des conneries. La mère a dit quoi à ses enfants? Ouais, ben ça sera pas un bon exemple à suivre pour eux quand ils vont être plus vieux. Voilà, ça fait que, tu sais, c'est du n'importe quoi, ça, vouloir légaliser la marijuana. Mais, puis ensuite, c'est pour ça que la sensibilité psychique, là, dans les années à venir, là, si les individus ne sont pas capables de départager qu'est-ce que c'est une sensibilité, puis que ça doit être respecté, puis ou encore, quand on émet un discours, qu'est-ce qui permet à une personne d'émettre un tel discours? Qu'est-ce qui l'amène à parler? À être capable d'amener des sujets aussi occultes et les rendre aussi accessibles. Mais c'est parce que quelque part, il y a une contestation qui a été faite de la part de l'individu avec les plans occultes pour que l'homme soit davantage respecté. Je ne sais pas, David, tu ne fais certainement pas ton travail rien que pour toi-même. Tu le fais parce que tu as la sensibilité de le faire pour amener quoi sur la Terre? C'est quoi? T'as pas nécessairement d'objectif, mais t'as un mandat. Ben, à ce niveau-là, je te dirais, fondamentalement, je fais mes enregistrements pour moi. Je veux pas jouer au sauveur puis évangéliser le monde avec des enregistrements sur la conscience. Non, mais au niveau de ta sensibilité psychique, si on peut étudier ton cas, Oui, par exemple. certainement. OK, si on étudie ton cas, ce serait, par exemple, tu as la capacité de discerner facilement, toi, dans ton écoute, où une personne peut souffrir d'une réalité. Oui, absolument. Qu'est-ce Oui. qui te permet ça? Ben, c'est ma sensibilité, le fait que j'ai souffert aussi dans le passé, qui des fois ça fait écho à certaines souffrances que j'ai vécues quand que je perçois ça chez un autre. OK, mais il a fallu que ces souffrances-là, que tu les dépasses aussi à quelque part, toi. Hein? Il a fallu que j'en vive une intégration. Je dis pas que c'est parfait, là, mais. Non, mais on sait ça, mais si une personne n'intègre pas sa sensibilité, elle ne peut pas faire une lecture de qu'est-ce qui se passe. Sa sensibilité, elle va rester au niveau de l'âme, puis ça peut facilement tourner à de la sensiblerie, par exemple. La sensiblerie, ce serait je regarde qu'est-ce qui se passe dans les pays pauvres, puis je décide finalement, en tant que personne, parce que je trouve ça écœurant ce qu'ils vivent, de m'engager pour Oxfam, puis je pars finalement Médecins sans frontières en Afrique. Donc, la sensiblerie, ça serait d'aller dans le sens de la haute spiritualité pour aller aider les gens plus démunis, là. Aussitôt que tu veux aider quelqu'un, tu es dans de la sensiblerie. Parce que la sensibilité psychique doit te connecter avec ton mandat cosmique. Puis c'est quoi ton mandat cosmique? Je sais que tu travailles pas pour les autres, puis tu n'as pas le but d'aider les autres, puis que tu le fais aussi pour toi-même. Mais si tu n'avais pas le mandat de parler psychiquement et cosmiquement au niveau de ta parole, tu ne le ferais pas, tu ne pourrais pas le faire. Parce que tu n'aurais pas la sensibilité pour développer des sujets. Puis la capacité d'une personne de développer vient énormément de sa sensibilité. Et non, on peut parler beaucoup d'intelligence, puis d'intelligence cosmique, puis la personne va parler avec les plans invisibles, puis elle va descendre de l'information. Mais les nuances qu'elle va apporter, la personne, non, elle est faite pour qui, les nuances? Qu'est-ce que l'intelligence cosmique ou qu'est-ce que le double te communique? Si tu ne le contestes pas, lui, il ne te donnera pas de nuance. Il va te donner l'information. Mais la nuance, elle va venir de qui? Elle va venir de l'homme parce que l'homme va contester leur intelligence en lien avec le temps de réalisation qu'ils prennent pour matérialiser une forme, en lien aussi avec la souffrance que les hommes doivent vivre parce qu'il y a eu le mensonge cosmique qui est imposé aux consciences de la Terre, puis aussi en lien avec l'incapacité de la lumière de devancer le temps de qu'est-ce qu'ils ont décidé pour le développement d'une âme. Eux autres, ils sont encore dans l'expectative que probablement que dans 300 ans, il va arriver ceci et cela, puis peut-être à ce moment-là, la prochaine race racine va vraiment être bien implantée. Donc, je parle de la sixième race racine. Oui, et ce que tu soulèves, c'est intéressant dans le sens que la sensibilité, de mon point de vue, c'est la capacité de l'homme, par amour pour l'homme, d'être capable d'ajuster la vibration qui peut être descendue dans des conversations avec les plants, là. Oui, c'est un principe de respect, c'est un principe d'amour, c'est un principe aussi de liberté. Parce que moi, je pense que l'intelligence, ça se conteste toujours, même si ça vient des plans invisibles, mais la liberté, ça ne se conteste pas. Un homme ou une femme ou n'importe qui se conscientise, qui est dans sa sensibilité psychique, sait reconnaître sa liberté, puis on ne lui dira pas quelle elle doit l'être. Est-ce que tu le vois comme cela? Oui, parce que ça fait partie de la définition de son individualité, sa liberté. Et voilà, et voilà. On ne Donc, peut pas avoir un être individué s'il n'est pas libre. et c'est ça. Et c'est pour ça que je parle de sensibilité psychique, parce que qu'est-ce qui amène une personne à reconnaître instantanément qu'elle est dans un processus d'évolution? Ben, c'est souvent la souffrance qu'elle vit dans l'événement, là. Oui, donc, elle. Si elle met pas de l'intelligence dans cette souffrance-là, puis elle nuance pas avec de la sensibilité, elle peut se noyer facilement dans cette souffrance-là. Oui, dans certains cas, il y a des gens qui vont se mettre à consommer de la drogue, ils vont sombrer dans la dépression, puis ils vont avoir des idées suicidaires, puis dans certains cas, ils vont passer à l'acte. OK, puis si on parle d'une personne consciente, c'est quoi le processus quand elle souffre? Ça va être capable de prendre l'énergie de la souffrance, puis la retourner contre les plans. Ouais, donc ça prend une certaine contestation dans son intelligence, mais après ça, elle peut pas toujours rien qu'envoyer sa souffrance puis pas demander au plan qu'est-ce qu'elle vit. T'es d'accord? Oui, d'où le principe de l'intelligence puis l'accès à la compréhension, au savoir. Oui, parce que si elle a pas la sensibilité de reconnaître pourquoi ils le font ça. Tu sais pourquoi toi t'es public? Tu sais-tu pourquoi t'es public? Ben pour l'instant, je suis restreint, là, je veux dire, Oui, à mais t'es quand quelques même activités. public parce que ta Oui. parole est entendue en France, est entendue, tu sais, à travers les enregistrements, tu Et vas. même au Maroc, Marc, récemment, j'ai quelqu'un qui a correspondu avec moi, puis il me dit qu'il OK. m'écoute du Maroc. Bon, mais pourquoi est-ce que tu es public? Qu'est-ce qui te permet, dans ta sensibilité psychique, d'être public? Ben, c'est que présentement, j'ai la vibration de faire ça. Tu as la vibration de faire ça. Ça part de ton incarnation aussi, ça, de ton principe d'incarnation. Toutes personnes qui sont marquées par la conscience dans leur incarnation sont obligées de développer une sensibilité psychique. Toute personne qui vit de l'âme ne connaîtra jamais vraiment qu'est-ce que c'est une sensibilité psychique, même si elle peut la vivre indirectement par le respect qu'elle va avoir pour l'autre en tant qu'âme. C'est un peu Céline Dion. Ben, c'est ce que j'avais en tête. Tu m'enlèves les mots de la bouche, parce qu'elle, c'est une entité de haute spiritualité, Céline. Elle Oui, n'avait pas la oui. fusion avec le double, là. Elle n'a pas une parole prépersonnelle, plus au Non, niveau de mais la elle haute. a une très belle sensibilité. Puis Oui. souvent, c'est de la sensiblerie aussi. Oui. On s'entend. La capacité d'une personne à rencontrer son double est très petite. Et le mandat de la lumière à amener l'homme à converser avec eux autres est très, très restreint aussi, mais il est énormément voulu par les forces de la lumière. Parce que l'intégration de l'intelligence, puis de la volonté, puis du principe d'amour, ne peut pas passer simplement par l'homme. Ça, on s'entend, ça va passer par la connexion avec le double. Oui, exactement, parce que sans intégration énergétique et reconfiguration psychique de l'être humain, il pourra pas être capable de faire une lecture vibratoire. Et voilà, et dans la lecture vibratoire que tu amènes, il y a cette capacité-là, après ça, d'échanger avec la lumière. Mais quand on échange avec la lumière, il faut savoir comment la lumière a fonctionné dans le passé avec soi et comment, quel verbe, c'est quoi la vibration qu'il utilise pour fonctionner avec toi. Puis cette vibration-là, à un moment donné, elle doit être amendée parce que c'est ta sensibilité psychique en tant qu'être. Parce que toi, tu apprends à te connaître dans ta parole qui autorise le dialogue avec la lumière. Et non plus, tu es non plus un récepteur, tu es beaucoup plus un émetteur qu'un récepteur. Oui, parce qu'à mesure que tu intègres la fusion avec l'esprit, tu intègres davantage d'énergie qui donne la capacité par la suite de la diriger puis de la retourner contre la lumière. Et c'est là que la sensibilité psychique est importante. Tu le vois-tu, ça, c'est ce que je veux dire? Ben oui, parce que quelqu'un qui a une puissance comme un rayon laser, s'il n'a pas de sensibilité, il va faire du ravage puis des dégâts maudits dans son environnement. OK. Donc, quand on parle de sensibilité psychique, on veut dire deux choses. On veut dire capacité d'émettre des nuances, Oui. mais aussi capacité de faire évoluer la lumière. Oui. Dans quel sens que tu le vois, le premier, émettre des nuances. Émettre de nuances, c'est la capacité à comprendre les subtilités d'une situation, faire preuve d'un jugement. Donc, C'est l'amour de l'homme pour l'homme. oui, exactement. Donc, Dans le respect de intégral de l'intégrité. l'autre, oui. Oui, dans le respect de la dignité, de la liberté de l'individu. Et comment tu vois le deuxième, l'évolution de la lumière? C'est que l'individu qui se conscientise va ajuster les plans pour amener la lumière à respecter davantage le rythme d'intégration énergétique de l'être humain. Oui. Puis ils vont être obligés de le faire parce que plus ça avance, plus il y a des êtres qui vont contester le fait que le principe de la souffrance, il doit être amendé. Parce que quand l'homme aime l'homme, il enlève à l'homme de la souffrance. Il en enlève automatiquement. Parce qu'il va élever. Ce qu'elle a fait, Céline Dion, elle a enlevé quand même à la femme. De la souffrance, parce que si elle l'avait pas traité comme faux, ça serait senti tellement humilié que plus ce qu'elle a vécu aurait été plus gros encore. Oui, exactement. Elle a évité de créer un surplus de souffrance psychologique inutile à la femme en l'humiliant publiquement, puis par la suite c'est relayé dans les médias, puis des millions de personnes sont au courant de ça. Puis je vois le mouvement, là, moi aussi, de la même façon avec les femmes qui contestent beaucoup, beaucoup la manière que les hommes ont agi dans le passé. Et il y a beaucoup de gens qui sont mêlés dans ça parce qu'ils ne sont pas capables de faire la nuance du mouvement. Ça veut dire quoi le mouvement, moi aussi, pour toi? Ben, c'est un mouvement de femmes qui vont dénoncer les inconduites sexuelles qui ont été commises par des hommes, que ce soit agression sexuelle, paroles déplacées, attouchements, et Okay. ainsi de Puis suite. le but de ça, là, c'est d'arrêter que le corps sexuel dans l'homme vibre trop. Ça, c'est un des principes vibratoires du moi aussi. Il y a trop, l'homme fonctionne beaucoup trop au niveau de son corps animal, son corps sexuel. Puis la seule personne qui peut corriger ça, c'est les femmes en s'affirmant. Est-ce que tu le vois, ça? Oui, exactement. En autant qu'il n'y ait pas de dérapage de l'autre côté où des gens soient faussement accusés d'agression sexuelle alors que c'est pas vrai. Bon, mais d'un autre côté, tu sais très bien, si tu regardes ça au niveau de ta sensibilité psychique, ce que tu viens de dire là, tu peux le défaire, tu vas tout le défaire. Parle-moi au niveau de ta sensibilité psychique, sachant dans quelle société on vit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le balancier va rester dans le milieu? Ben, ça va bouger, là. C'est sûr Ça que. va aller d'un côté comme de l'autre. Exactement, exactement. Mais c'est sûr, dans son essence, l'idée de dénoncer les inconduites, c'est excellent. Par contre, connaissant la nature humaine, puis les travers humains qui cherchent à manipuler d'un côté puis de l'autre, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des dérapages, en effet. Donc, il faut regarder quand tu as une sensibilité psychique, il faut regarder le principe évolutif et toujours rester sur le principe évolutif. Est-ce que d'après toi, le principe évolutif du mouvement, moi aussi, c'est de dénoncer? Non. C'est pas de dénoncer. C'est d'établir que la femme est tannée de se faire chier par les hommes. C'est ça le principe évolutif. Tu vois-tu la nuance? Oui, mais ça passe quand même par de la dénonciation. Ça, c'est le côté astral. Ça, c'est le côté astral, c'est le côté de l'âme qui souffre. Le côté intelligent, c'est de dire, on est tanné de se faire chier. C'est ce que Oprah a dit aux Golden Globes. Est-ce que tu as pris ça dimanche soir, là, il y a Non. eu les Golden Globes aux États-Unis. Puis Oprah a été honorée pour un trophée honorifique. Donc, elle a fait un discours. Puis ça vaut la peine d'être vu, ce discours-là. Parce qu'elle représente énormément l'écœurement de ce que vivent les femmes aux États-Unis. Puis les femmes aux États-Unis ont beaucoup plus de pouvoir de parole qu'au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus accès à l'empowerment qu'on appelle. Parce qu'il y a des femmes très, très, très haut placées dans les structures de la télévision aux États-Unis. Et au Canada, on a une petite télévision. Et il y a très, très peu de femmes qui ont une capacité de marquer la société comme le font les femmes aux États-Unis, malgré qu'il y en a au Canada qui ont marqué la société. C'est pas ça le point. Le point, c'est que ceux qui peuvent parler, OK? Puis Oprah, c'en est une qui a un discours très, très, très animé puis très développé. Au Québec, la personne que je trouve qui a le discours le plus éveillé et plus animé, c'est Marie-France Bazot, au niveau des médias, tu sais. Il y en a d'autres aussi, mais ça tourne beaucoup autour du petit discours. Et puis, il y a plein d'hommes qui discutent à la télévision, puis c'est pas ça que je veux parler, parce que, en gros, les discours qu'on tient sur la conscience ne sont pas encore dans les voies publiques, mais on peut sentir des points d'émergence dans le discours public. Oui, ben c'est sûr que Oprah Winfrey, ça va être intéressant de la suivre dans les prochains mois pour voir si ça va se présenter à la présidence des États-Unis. Ouais, mais en gros, si elle le fait, elle a une capacité de gagner, c'est certain, parce que son discours est fort, mais il faut toujours regarder aussi qu'est-ce que la lumière veut faire en lien avec le mouvement de la femme, parce que le mouvement de la femme est lié à une certaine sensibilité, hein, tu es d'accord? Oui. Donc, cette sensibilité-là, c'est que elle veut deux choses pour la société à venir: être entendu et aussi être respecté. Est-ce qu'il y en a un qui vient avant l'autre? Je pense que les deux sont interchangeables. Et c'est ce qui fait que l'homme n'a qu'à bien se tenir, parce que moi, j'aime énormément le discours. Il n'y a jamais une femme qui va pouvoir me prendre à contre-pied, parce que je sais très bien c'est quoi le discours que l'homme doit se diriger vers dans les années à venir. Et quand je parle de Céline Dion, je la discrédite pas du tout. Je vois très bien qu'elle a une capacité énergétique très grande de changer les mentalités des gens lorsqu'elle s'adresse aux gens, parce qu'elle a une belle sensibilité. Oprah, c'est la même chose. Et le danger qu'on doit faire, c'est de penser que la femme n'a pas la capacité de se faire respecter. Elle a la capacité de se faire respecter. Puis ça fait juste commencer. Oui, en Occident. Par contre, pour ce qui est de l'Orient, des pays comme l'Irak ou l'Afghanistan, ça, c'est une autre chose. Ouais, mais c'est parce que la mémoire de la race est trop élevée encore dans ces pays-là, et la conscience ne viendra certainement pas de l'Orient, elle va venir de l'Occident. Oui. Et c'est pour ça que le discours qu'on tient va être tenu en Amérique du Nord. Mais tu sais, je regarde la sensibilité psychique du peuple américain, puis je regarde la sensibilité psychique du peuple canadien, puis après ça, je regarde la sensibilité du peuple québécois, la sensibilité psychique du peuple québécois. Puis je vois trois choses différentes. Ah, vas-y. Le peuple américain a une sensibilité psychique d'élever la liberté, mais sans vraiment l'amener là où elle doit être. Ils ont de la misère avec le pendule dans le balancier, tu sais, mais ils veulent tellement l'amener, la liberté. Oui, il y a une volonté, mais en même Ah! temps, il y a du dérapage. Si on pense aux C'est ça, fusillades, c'est ça. les gens peuvent s'acheter des armes Ça. d'assaut là, un peu partout. Mais là, ils ont la sensibilité psychique de mordre sur la liberté, pas lâcher le morceau. Oui. Le peuple québécois, dans sa grandeur psychique et cosmique, sera celle d'avoir la sensibilité psychique d'amener de l'information qui ne se conteste pas. Et ça, au Québec, on le sent. Oui, puis en complément de ce que tu dis, c'est que la psychologie supramentale, de mon point de vue, ça va venir du Québec. Puis je regarde après ça le peuple canadien. C'est un peuple qui se donne une identité faussement attrayante en voulant copier le peuple américain dans ce qu'il a de beau. Alors que le peuple québécois, lui, il va copier d'aucune façon le peuple américain. C'est pour ça qu'il a son propre star system. Alors que le Québec, bon, ils ont les Juno Awards qui ressemblent aux Grammy Awards. Puis, alors qu'au Québec, il y a plein de mouvements personnalisés dans la province du Québec pour créer une parole plus juste. Puis là, je t'amène à voir là, avec ce qui s'est passé l'année passée au mois de janvier à Québec avec la mosquée à De la ville Québec. de Québec, là où il y a eu une Ouais. fusillade, Puis là. là, on parle, on essaie de voir, on voulait peut-être faire une commémoration contre l'islamophobie parce que on pense que à quelque part ça doit être commémoré cet événement-là, puis ce serait pour dire contre l'islam. Le peuple québécois est même pas islamophobe. Puis ceci, là, c'est pas une réalité que le Québec va acheter, c'est sûr et certain. Si tu amènes ta religion dans le discours, tu vas te faire contester au Québec. Ça, c'est garanti parce que la liberté du Québécois est bien plus grande que n'importe quel discours religieux. No matter what, tu ne seras pas capable de traverser le Québécois avec un discours religieux. Aux États-Unis, tu peux. Et les Américains vont avoir un discours, puis ils vont être capables, dans leur sensibilité, de développer un discours totalement religieux qui se tient tout. Mais au niveau de la structure psychique de l'intelligence, tous ces discours-là vont s'écrouler. À quel moment donné qu'ils vont s'écrouler? C'est pour ça que quand on parle de sensibilité psychique, à quel moment la lumière va-t-elle permettre des bousculements plus rapides que l'on voit, même s'il y en a énormément là, depuis 2017, là, parce qu'on constate que les cataclysmes sont beaucoup plus répétitifs, puis sont de plus grande envergure. Est-ce que la lumière va accélérer davantage encore le processus en 2018? C'est souhaitable parce que des gens comme nous autres qui ont des informations à livrer ne seront pas entendus. On va rester dans notre salon, puis ça va finir là. Parce que je ne crois pas que la lumière peut descendre elle-même, faire le travail que Marc de la Salle fait, ou que David Lafayette fait, ou que d'autres font au niveau de communiquer qu'est-ce que c'est de l'intelligence supramentale ou de la conscience supramentale. Oui, avant qu'on aille plus loin, étant donné que je sais qu'il y a des gens en France et en Europe qui nous écoutent, comme on a parlé du Canada, des États-Unis, également du Québec, pourquoi pas parler un peu de la France? Bien, le discours dans la France revient beaucoup à un discours qui est pas capable de sortir de ses frontières de ce qu'ils ont été dans le passé. Tu sais, je prends Catherine Deneuve qui dit: «Ah, oh, mais on aime ça, se faire courtiser. Qu'est-ce qu'on...» Non, c'est complètement à côté. On est en 2018. En 1968, la séduction jouait un grand rôle. Il n'y avait pas de danger avec la séduction. C'était un flirt. Tu sais, qu'est-ce qu'il appelle? Ah, ben, je pensais pas que vous vouliez pas que je vous embrasse. Puis la femme dit non, non. Mais aujourd'hui, là, Ben, il il n'y y a avait pas de. des dangers, mais c'était pas dénoncé, c'était Ouais, mais. toléré par les femmes. Oui, parce qu'il n'y a eu pas, il y a pas eu assez de souffrance en 1960 au niveau de la femme qui a été violentée en société. Là, aujourd'hui, là, il y en a eu plein, mais c'était tellement tu, les femmes ne se tenaient pas entre elles. Il y a plein de femmes qui se faisaient violenter dans ces années-là, mais il n'y avait aucun discours pour le dire publiquement, tu es d'accord? Oui. Donc là, aujourd'hui, on est d'une société complètement différente. Les femmes sont tannées de se faire traiter d'objets sexuels, puis. Ensuite de ça, il y a plein de gars qui vibrent énormément au niveau du corps astral, les énergies sexuelles ou animales, parce que la pornographie est plus grande que jamais. Et les femmes, il y a des femmes qui sont plus capables de vivre en société, de se garder en équilibre, parce qu'elles sont tout le temps harcelées dans une société. Moi, je suis très content que les femmes se tiennent debout, parce que j'ai toujours voulu que la femme décide de son champ. C'est elle qui va décider, puis que l'homme doit le comprendre, ça. C'est la femme qui décide s'il y a un couple ou pas. C'est pas l'homme qui décide qui va y avoir un couple ou pas. Donc, en Ben, France, en qu'est-ce fait, qui se c'est les passe? deux qui le décident, chaque Non, c'est partie la femme qui prenante. le décide. Non, ben, en tout cas, je comprends ton point de David, vue, mais je suis pas David. d'accord. Moi, c'est les deux partenaires. Un couple, c'est deux personnes impliquées, donc les deux ont leur mot à dire. David, va sur Oui. les plans, puis dis-moi c'est qui décide s'il y a un couple ou pas. Il donne quoi comme réponse? Ben, je comprends que le principe féminin est très présent. C'est la femme qui décide s'il y a un couple ou pas. Va, demande à ton double, dis-y, pourquoi est-ce que c'est la femme qui décide s'il y a un couple ou pas, puis donne-moi la réponse. Ben, moi, ce qui me vient en tête, c'est que c'est une question de sensibilité. Une question de sensibilité, c'est une question aussi qu'elle doit se protéger de l'autre, bien plus que l'homme doit se protéger de la femme. C'est la femme qui doit apprendre à se protéger de l'homme. Elle doit savoir, OK. À quel moment est-ce que je sais que l'autre, là, c'est pas un con? Parce que s'il y a une société dans laquelle on vit au niveau de la sensibilité psychique qui souffre énormément, c'est la femme, présentement. Et l'homme, lui, dans sa grosse vibration d'homme, il a toutes les crises de bel job, il fait 90 000 par année, la femme va en faire 60 000 pour le même travail. Il y a 99% des personnes qui sont à chef d'entreprise qui sont des hommes. Et l'argent est dans les mains de qui tu penses sur la Terre? Oui, c'est sûr que historiquement parlant, c'est les hommes qui ont dominé puis il y a eu beaucoup d'abus. Et c'est pour ça que la femme. C'est elle qui décide du couple, parce que le mot dominé que tu as mentionné est au centre de tout ça. Mais l'individu masculin qui est conscient, il va sélectionner avec qui il va être en couple au niveau vibratoire, sa partenaire. L'homme individu conscient, l'homme qui est beau, l'homme qui est conscient, va vouloir aimer une femme. C'est pas un con. Mais si dans son territoire, il y a des choses qu'il n'a pas réglées, puis que la femme ne sait pas, elle n'est pas convaincue un jour, elle n'est pas allumée au fait que cet homme-là, un jour, va lui manquer de respect, elle n'ira pas dans le couple. Ça, c'est le couple de demain. C'est la femme qui décide, ça a toujours été comme ça, mais les lois n'ont jamais été connues parce que l'homme, dans sa conquête, il a une très grande capacité de prendre la femme. Et de l'amener à elle pour y rendre la vie plus facile parce qu'il est conquérant dans la matière. Mais aujourd'hui, prends une jeune femme là, de 22, 23 ans, là, qui a sa propre job, les lois de la société, c'est pas les mêmes qu'en 1948, là. Oui, parce qu'elle ne sera pas dépendante de l'homme pour se faire vivre. Bon, ça, là, c'est en train de s'inverser. Quand on parle de sensibilité psychique, là, il faut être capable de voir cette nuance-là parce que c'est une des grandes nuances que la société va devoir vivre dans les années à venir, que la femme décide finalement de sa vie. Exactement, puis ça fait partie de son individuation. Oui, puis c'est à l'homme, même si toi, par exemple, tu es en couple, de travailler toujours pour la liberté de ta femme. Toujours, toujours. C'est la seule façon que l'homme peut se protéger de sa domination envers la femme, c'est de toujours travailler pour la liberté de l'autre. Oui, à travers le respect, là. Ben, la liberté, c'est du respect. Il y a aucune liberté qui est bâtie sur le non-respect. Exactement. Puis c'est sûr que la façon que je vois l'évolution du couple, c'est que les deux partenaires vont travailler ensemble pour leur propre émancipation psychique et mettre leur... Toujours, C'est ça, toujours, oui, exactement. toujours, parce que la sensibilité psychique de l'un recoupe toujours la sensibilité psychique de l'autre en couple, parce que le couple, c'est l'ascension vers la liberté ensemble, et non un qui monte plus que l'autre. Si tu ne montes pas en même temps vers la même liberté, il y en a un qui reste derrière, puis après ça, les chemins s'égarent, puis chaque personne va prendre son côté. Parce que la liberté de l'un dans le couple doit être aussi grande que la liberté de l'autre. Et c'est. Beaucoup de gens, des fois, se trouvent un projet commun comme couple, tu sais. Ils peuvent avoir un enfant, ils peuvent aussi s'acheter une maison. Mais imagine, tu l'achètes la maison, puis la sensibilité psychique de l'homme n'est pas de demander à sa femme telle façon dont elle veut avoir, je sais pas, la cuisine ou le salon. Puis lui, il décide que c'est, ah ben, il y avait une belle occasion, là, puis j'ai pris la décision. Oh, c'est mal parti, hein? Exactement, s'il ne tient pas en compte le point de vue de sa compagne qui est supposée de vivre avec lui dans cette maison-là, puis c'est pas partie prenante du projet, Hey. ben ça risque d'en souffrir ou avoir des résistances, là. Tu sais, quand on parle de sensibilité psychique, là, c'est dans les petits détails et c'est dans les petites nuances qu'on voit la grandeur d'une personne. Exactement. Parlant de nuances, est-ce Oui. que tu vois une distinction entre la sensibilité et l'hypersensibilité? Ouais, l'hypersensibilité, ça a besoin d'être ajusté. Ça veut dire que la personne n'est pas capable de comprendre la relation des plans avec ce qu'elle vit. Donc, elle est trop dans son corps émotif, elle est trop dans son corps mental, ou elle est trop dans son corps matériel, elle est passée dans la compréhension de ce que les plans lui font vivre en lien avec l'ajustement vibratoire de sa vie. Parce que la sensibilité, lorsque tu es conscient de ce que tu vis, ils sont obligés de te donner de l'information qui empêche le dérapage d'hypersensibilité. Donc, autrement dit, l'astralisation. Oui, à long terme, ça prend pas de temps qu'effectivement l'hypersensibilité va devenir de l'astralité. Parce que l'hypersensibilité, la façon que je le perçois, c'est que la personne est très, très ouverte, elle absorbe beaucoup, mais il y a des fois du matériel qui n'est pas bon qu'elle absorbe. Ouais, puis c'est sûr que quand que tu es en couple, c'est l'homme qui est responsable du couple. Tu sais, j'affirme Ben les les choses. deux. Non, tu sais, David, c'est que l'homme, là, il a la capacité, dans sa conscience, de tasser l'astral parce qu'il tasse son propre astral. Là, la personne qui est le plus susceptible d'être astralisée et de dominer, c'est l'homme. La femme, elle peut être astralisée, mais ça ne l'amènera pas à dominer l'homme. Et c'est pour ça que c'est l'homme qui est responsable du couple. Quand l'homme va avoir terminé ça, là, c'est certain qu'on ne parlera même plus de ce discours-là. Mais pour le moment, là, c'est l'homme qui est responsable du couple, jusqu'à temps ça soit interchangé. Plus que les femmes vont parler en public, plus que les femmes vont respecter, plus que le niveau vibratoire des femmes va avoir augmenté. On ne tiendra plus ce discours-là. Ça va s'en aller, ça. L'homme ne sera plus responsable de rien parce que les êtres vont être en dehors du mensonge cosmique, en dehors du principe de la domination, et c'est ce qui va permettre le couple cosmique. Mais il Mais faut pas tant que. sous-estimer quand même, Marc, le potentiel de femmes qui, à l'époque présente, qui se conscientisent Oui, il y en a d'être énormément. capables de faire la gestion du couple aussi, là. Énormément, énormément, énormément. Une femme, quand on parle d'être responsable du couple, on ne parle pas de la gestion du couple. On parle de la capacité de l'astral de ne pas pénétrer le couple. Et l'astral va toujours pénétrer le couple, en gros, dans la domination pour abattre le couple au niveau de l'homme. Là, on parle du principe fusionnel du couple, dans le sens que c'est l'homme qui va se faire bombarder par l'astral pour que le couple dérape. Même si la femme est super émotive et l'homme n'est pas suffisamment dans son mental avec les plans puis qu'il ne comprenne pas la conscience de pénétration de l'astralité sur sa femme, s'il est capable d'aller la voir et dire tout va bien aller, au lieu de dire ah oh, ben là, tu es émotive, va dire ça à ta femme, tu es émotive, voir si ça va fonctionner. Donc, quand on est dans la sensibilité psychique, l'homme, il constate que la femme peut être beaucoup plus varlopé au niveau de sa sensibilité, parce que l'hypersensibilité que tu parles, là, Oui. ça vient beaucoup plus des femmes que de l'homme. Puis explique-moi pourquoi. Va te Mais, dire pourquoi, ben, si c'est pour ça. vas-y, vas-y. C'est que la femme est moins incarnée dans la matière que l'homme. L'homme, il peut se protéger avec son ground. C'est quoi le ground de l'homme? C'est le travail, c'est sa grosse vibration. La femme, elle l'a moins, ça. Mais aujourd'hui, les femmes des jeunes générations, comme on le disait tantôt, ils travaillent. Oui, mais ça n'empêche pas. Va voir toute la pornographie qu'il y a, combien il y a de jeunes femmes qui se font prendre encore dans ce créneau-là. On n'est pas sorti de l'astral. Puis les jeunes filles d'un secondaire qui se font manquer de respect par les gars, on n'est pas sorti de l'astral encore. Puis les femmes qui sont à la tête de grandes entreprises, on n'est pas encore là. C'est 99% dans les mains des hommes, l'argent. Fait que c'est avant que la femme ait du empowerment, comme ils disent aux États-Unis, ça va prendre du temps. Même si Oprah serait élue aux États-Unis, il n'y a rien qui dit qu'il ne la ferait pas assassiner. Tu sais, il y a des groupuscules qui pourraient la faire totalement sortir parce que la société ne veut pas, en gros, que la femme ait du pouvoir. Ça, c'est le revers astral des forces luciférienne, ils ne veulent pas que la femme soit dans son identité cosmique, psychique et d'autorité dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent continuer de dominer ces forces retardataires qui Et cherchent à maintenir leur voilà, et contrôle. voilà. Donc, au niveau de ta sensibilité psychique, tu comprends que le devenir de la Terre dépend autant de l'homme et de la femme, mais si l'homme se fait dominer, les forces astrales ont le beau jeu. Tout à fait. Donc, la femme, elle, ça a toujours été une fleur. Puis l'homme, il a toujours reconnu que c'était une fleur. J'y enlève rien. Mais il n'a jamais été capable de la garder en santé, cette fleur-là. Il l'a toujours meurtrie. Et pourquoi? Parce que les forces astrales sont très puissantes et ils rentrent énormément dans le pouvoir de l'argent. L'argent joue un grand rôle sur la Terre au niveau de l'astral, et cet argent-là mène à de la sexualité et à des abus de pouvoir. Dans beaucoup de cas, c'est sûr qu'il y a l'aspect impulsif qu'ont plusieurs hommes qui vont les amener à consommer de la sexualité ou de la pornographie sur Internet. Donc, Donc, on a une société qui n'a aucune sensibilité psychique. Si on regarde la sensibilité psychique, là, si je demande au double, j'ai dit, c'est quoi sur une échelle de 100 ou sur 10 la sensibilité psychique de la Terre? Il dit, vous n'êtes même pas à 1%. Donc, on n'est même pas à 1 sur 10 de sensibilité psychique. Est-ce que la sensibilité est présente chez les êtres? Il dit, c'est pas ça le problème. Il dit, c'est que la sensibilité que les hommes vivent et que les femmes vivent n'est pas assez ajustée d'intelligence. Il n'y a pas assez d'intelligence. La sensibilité, ça ne peut pas survivre tout seul. Ça prend de l'intelligence en sensibilité. Mais juste de l'intelligence, ça ne fait pas une belle sensibilité non plus. ben non, ça fait des robots qui ont pas la capacité d'ajustement puis d'amour pour autrui. Et c'est pour ça que j'ai fait l'étude thématique, parce que l'homme, dans sa sensibilité psychique, doit être intelligent pour comprendre sa sensibilité, mais il doit être capable de nuances dans son intelligence pour contrebalancer toute la lumière qui descend vers lui. Parce que si c'est l'homme qui doit ajuster l'homme, c'est pas la lumière qui va décider quelle sera sa liberté. C'est l'homme qui va ajuster sa vibration. Puis quand il va parler, il va être capable de dire à la lumière, écoute bien, là, la liberté de l'homme, là, ça va passer autant par la dimension cosmique d'une intelligence qui est absolue. Puis, à toutes les fois que moi, là, toi, David, ou n'importe qui, que tu rencontres quelqu'un, puis que son discours est très, très bien orchestré, toi, ta job, là, en tant que conscience, c'est pas de trouver la faille, c'est de voir si dans la vibration de l'intelligence qui descend à travers cela, celui qui parle, si à quelque part il y a une domination. Oui, c'est sûr, c'est de percevoir la vibration qui peut être derrière Mais la parole et c'est la dur, contester. ça. C'est dur, ça. Va demander à du monde qui parle dans conscience, voir s'ils sont capables de percevoir la vibration de la domination. Ben, quoi qu'il y ait des choses qui se perçoivent bien, on en regarde par exemple Adolf Hitler prononcer un discours, on la voit, puis Ouais. c'est assez évident là, dans ses propos. OK, mais j'amène un autre discours, par exemple, d'une personne qui peut être dans un bloc, un monolithique d'intelligence, puis de parler, puis de parler, puis de parler, puis de parler, puis de parler, puis de parler, puis de parler. C'est comme un ouragan. Ça déménage. Le taux vibratoire est très, très fort. Ça déménage. L'énergie veut pas. OK? T'as-tu déjà été mis en contact avec une personne qui parle, qui parle, qui parle, qui met énormément ton mental en action? Ben, j'ai été mis en contact avec plusieurs verbomoteurs. Ouais, OK. Pourquoi tu dis verbomoteur et non. Ben, c'est la nuance que je veux apporter parce qu'on parle depuis tantôt de sensibilité puis de nuance. Il y a des gens OK. qui parlent beaucoup puis ça n'arrête pas, puis ils nous font passer d'une idée à l'autre, puis on n'a pas le temps de donner notre mot parce qu'ils monopolisent tout l'espace de conversation. Donc, pour toi, le monologue n'a plus sa place, hein? C'est clair. Bon, ben c'est un indice, ça. C'est un indice que la personne que serait moi, que ce soit Bernard de Montréal, qui n'est plus ici, ou que ce soit n'importe quel autre, si il n'est pas capable de me respecter, son discours d'intelligence, je ne l'achèterai pas. Je vais le contester au niveau de la capacité, de la liberté de laisser l'autre parler. Exactement. Donc, la personne domine par sa parole, initiée ou non, si c'est un manque de respect. Parce que tu vas écouter, il y a des gens qui sont capables hein, mettre du monde en vibration au niveau de la parole. Oui. Mais savent-ils qu'est-ce qu'ils mettent en vibration? Exact, parce qu'il y en a certains, puis là, je nommerai pas de nom, mais j'en pense à une personne en particulier qui est très verbomoteur. Il vit des choses, c'est très intense, c'est très vibrant, mais on dirait qu'il n'est pas totalement présent à ce qui se passe, puis il vit comme une forme de possession. Alors, donc, c'est là. Quand on canalise l'énergie, OK, je vais parler de la canalisation de l'énergie en lien avec le double cosmique. Quand une personne canalise, c'est que sa sensibilité psychique est pas retournée contre le plan. C'est moi qui vais te parler, c'est pas toi qui vas me parler. Puis ça, il faut que ça soit inversé. Fait qu'une personne qui canalise, là, elle a-tu des chances, tu penses, de ne pas écouter l'autre? Ben, c'est clair, s'il y avait une... C'est clair. Ouais. Tu vois-tu? Pour moi, c'est ça la sensibilité psychique. C'est une nuance qu'on doit amener qui permet d'autoriser d'abord le respect et ensuite, si on veut continuer de parler, on questionne l'autre. Est-ce que tu veux que je t'en dise davantage? Est-ce que ça va? Je te bouscule pas trop? Non, ben, j'aimerais en entendre plus sur ça. Ou, tu sais, il y a un échange d'énergie. Il n'y a pas quelqu'un qui a sa grosse vibration là, puis qui martèle le discours, puis c'est comme ça que ça fonctionne la conscience, puis c'est ça que ça va être. Puis, comme tu sais, c'est sûr que tantôt, je te dis, c'est la femme, okay, qui choisit son homme, qui choisit l'homme. Toi, tu viens avec. Mais regarde le principe de domination qui est derrière toute l'affaire. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi il faut que ça soit la femme qui choisisse son homme? Avec la mise en contexte que tu as faite, ça, je le comprends. OK. Donc, ça fait partie de maintenant. On s'entend que dans 20 ans, ben, dans 200 ans, c'est pas ça qu'on veut, hein? Ben David non, il dit. faut que ça soit totalement égalitaire. C'est ça, il faut que ça soit une liberté intégrale chez les deux êtres. Mais si on est dans la sensibilité psychique, il faut dire on est en 2018, on compose avec les éléments de base qu'il y a présentement. Moi, là, si je veux devenir public, puis je veux donner une conférence, je vais le refaire, là, une conférence publique bientôt. J'espère que ce soit en avril. Mais si j'ai encore 7, 8 personnes ou 10 personnes dans ma conférence publique, OK, je vais payer une salle pour avoir du monde. Je suis moins sujet à en donner d'autres. Et ça, dans ma sensibilité psychique, moi, je suis obligé de comprendre quoi tu penses. Ben, que l'intérêt de la foule n'est pas au rendez-vous. C'est que le temps n'est pas venu. Je dois pas me contester, moi, me dire, ah ben, les gens n'ont pas d'intérêt pour ce que je fais. C'est pas vrai que les gens n'ont pas d'intérêt pour que ce que toi tu fais, puis que pour qu'est-ce que moi je fais. Ben, je peux parler par rapport à moi. L'intérêt est très limité. Il y a peu de Mais ventes il est là, mais d'enregistrement. il est là, mais il est Mais là. c'est une poignée d'individus, tu sais. OK. Donc, si on rentre dans la sensibilité psychique, puis on demande à la lumière, qu'est-ce que vous faites, vous autres, pour ça? Ils te répondent quoi? Ah, ben, ils disent, oh, on prépare le terrain. Tu Tu sais, vois? Tu as une réponse. oui. Donc, tu es capable de contester ce que tu vis en étant capable de questionner les forces de la lumière. C'est quoi votre style d'agenda par rapport à la conscience supramentale? On sait bien, là, il y a eu Bernard de Montréal qui est venu. Lui est capable il a été capable de générer beaucoup d'informations publiquement. Il a pu fonctionner pendant 25-30 ans public. Il y a eu des gens dans ses conférences et il a même reçu suffisamment d'argent pour vivre adéquatement de cela. Est-ce que vous prévoyez à quelque part que l'homme va pouvoir parler en public et que sa parole va être entendue éventuellement, ou vous pensez finalement, vous autres, la lumière, que vous allez tous vous arranger tout seul avec ce qui se passe sur la planète Terre, puis que l'homme n'a rien à dire? C'est une bonne question. Fait que les autres, ils me disent simplement, non, non, vous avez un mot à dire, Ben juste oui. supporter le temps. Donc, quand tu supportes le temps, moi, ça ne me fait rien, David, de pas être public présentement, parce que je me permets d'être public en faisant des entrevues avec toi. Mais si on me dit dans 2, 3 ans que je ne suis pas public ou que je ne peux pas être public pour communiquer l'information, parce que l'information qu'on communique ou quoi que ce soit, OK? Là, c'est pas le si tu as une sensibilité psychique, tu dois reconnaître qui tu es. Tu ne peux pas t'abaisser à dire, oh ben, l'information que je communique, le monde la connaît déjà. Le monde ne la connaît pas selon la vibration de ta conscience dans le mandat que toi, tu as de la communiquer. Ils ne peuvent pas le savoir, ça. Puis ils ne peuvent pas savoir que leur taux vibratoire peut être interchangé en ne rien étant en relation avec la pénétration de la lumière dans une conscience pour que d'autres consciences soient mises en vibration. Ça, le monde ne peut pas le savoir. Est-ce que tu saisis ça, toi? Oui, parce que la vibration qui émerge de notre être individué, c'est unique. Et Et impersonnel, c'est universel, c'est c'est ça, impersonnel. exactement. Mais il y a des gens qui vont dire, ah, ben Bernard, pendant 25-30 ans, il a tout dit ce qu'il avait dit sur la conscience. Donc, moi, Ah oh non, c'est pas vrai. ben, je dis pas que c'est vrai, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, pendant des années de temps, ont écouté Bernard, puis là, quand il y a des nouvelles personnes qui veulent parler de conscience, ben, ah, ben toi, tu copies Bernard, puis c'est moins bon, puis ils vont Bon, juger, puis ils ah, vont... très Oui. intéressant parce que ça m'amène d'amener la sensibilité psychique dans ce discours-là. Je vais dire selon les plans. Pourquoi les gens sont pas capables de saisir c'est quoi une vibration? Un, ils n'ont pas la sensibilité psychique de la reconnaître. Deux, ils ne veulent pas la reconnaître. Trois, ils préfèrent se réfléchir que de reconnaître. Ben, si lui est là, mais ben pourquoi moi je suis pas le rendu là aussi? Lui, le 3 ans, je le connaissais, puis là, tout d'un coup, il est capable de donner des conférences publiques. Ouais, mais le mandat de la lumière avec une conscience, là, c'est déjà décidé avant de l'incarnation. La lumière qui va pénétrer dans une conscience, à tel moment donné, là, c'est le plus grand feu que la lumière veut, et c'est le plus grand feu qui est susceptible d'être public. Parce que penses-tu que la lumière va mettre des petits feux? Quoique, en regardant nos politiciens comme Justin Trudeau qui est public, Mélanie Joly puis d'autres, je me pose des fois des questions. Mais David, c'est la lumière qu'ils ont mis là, eux autres? Oui. Non. Tu fais Ben, référence. en fait, je vais clarifier ma réponse. C'est-à-dire que Oui, ben la oui. lumière a fait un laisser-aller pour que ces êtres sous Eh, influence astrale voilà. puissent accéder au pouvoir. Ah, ça c'est mieux. L'incarnation de ces âmes-là n'est pas en lien avec la lumière, mais en lien avec le développement de la conscience humaine. Exact. Bon, le développement de la conscience de Bernard de Montréal, c'était-tu en incarnation avec l'âme ou en incarnation avec l'esprit? C'est clair que c'est avec l'esprit. Avec la descente de la lumière dans matière. David Lévesque, c'est ça aussi. Marc de la Salle, c'est ça aussi. Et j'en connais plein que c'est ça aussi. Ces gens-là ont des mandats. Selon leur sensibilité psychique, ils ont un talent pour émettre de la lumière. Il y en a que c'est individuel. Ils rencontrent une personne, ils peuvent aligner une personne instantanément. Il y en a d'autres qui vont nourrir sur un site Internet ce que notre travail, nous autres, on fait. Ils vont essayer de présenter le meilleur jour de notre travail. Ils vont créer une alliance psychique avec nous autres, même si on ne les connaît pas. Est-ce que tu comprends ça? Oui, ben comme le carrefour supramental sur Ouais. YouTube, pour en nommer un. Puis c'est ça. Puis aussitôt que ces gens-là vont discréditer l'autre, c'est parce qu'ils se sont réfléchis pour se donner de l'importance. Tu ne peux pas te réfléchir quand tu émets de l'information parce que tu enlèves à l'autre l'autorité d'être libre. Puis l'autorité de chaque personne qui sont dans la conscience supramentale d'être libre est très, très grande et elle doit être respectée à tous les niveaux. Mais il faut savoir aussi le niveau du feu qui parle. Parce que si j'ai besoin d'aller chercher telle vibration, telle fréquence vibratoire en lien avec ma sensibilité, je suis bien mieux d'aller voir elle avant d'aller voir telle autre personne, sinon je vais brûler mes corps. Oui, il faut identifier les gens avec lesquels on est plus en affinité vibratoire. Et voilà. Et le travail de la lumière en lien avec l'homme, en lien avec sa sensibilité psychique, c'est de l'amener à quoi? Évoluer. Non. Oh, c'est Oh! intéressant. C'est intéressant, ça. Tu dis évoluer. Non. C'est que cette sensibilité-là puisse éduquer la lumière de la liberté que l'homme reconnaît étant Attends sienne. une minute, c'est-à-dire que le mandat de la lumière, ça serait de se faire éduquer par l'homme. Moi, je le voyais plutôt comme un mouvement de l'homme vers la lumière. Oui, mais regarde, la lumière, je parle au niveau de la sensibilité psychique, là. OK, oui. OK? Elle veut que cette sensibilité psychique-là monte à un niveau vibratoire extrasensoriel, qui veut dire que l'homme n'a plus à être éduqué. Oui. Donc, si l'homme n'a plus à être éduqué, peut-il éduquer? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut éduquer? Parce qu'à ce moment-là, il y a l'autorité vibratoire de le faire. Il y a l'autorité vibratoire d'avoir intégré la matière. Et c'est ça Et qui donne. l'esprit. Et l'esprit dans la matière avec Oui. le principe cosmique de la liberté. La liberté dans une matière, c'est pas facile. La lumière, ça fait combien de milliards d'années qu'ils travaillent pour donner. Penses-tu que les extraterrestres sont libres dans la matière? Non. Et voilà. Il n'y a pas aucun être créé par les êtres de lumière qui va être aussi grand que l'homme dans sa conquête de la liberté. Parce qu'il va tout avoir arraché. Ouais, mais pendant ce temps-là, il y en a arraché en maudit, là. Si on pense à Oui, oui, l'évolution, oui, puis on parlait tantôt des femmes qui ont été victimes d'agressions, puis qui doivent apprendre à s'affirmer, puis oui. à s'émanciper, oui. Oui, mais quelle vibration, toi, ça te permet d'être en contact quand je dis. L'homme a tout arraché et il va pouvoir commander aux forces sa liberté et la liberté de tous les hommes un jour. Ben, c'est ça, c'est une très belle vibration, c'est une autonomie psychique absolue. C'est une autonomie psychique absolue, c'est une reconnaissance absolue de sa sensibilité. Exactement. Parce que moi, quand je converse avec la lumière, je reconnais les différentes sensibilités avec qui je converse. Il y a le double, mais il y a des êtres de lumière qui viennent sur mon cadran aussi. Là. Il n'y a pas que le Christ de double. Là. Je le connais tellement, le double. Je sais comment il parle. Es-tu capable de faire la distinction vibratoire entre ton double et une entité de lumière qui n'est pas ton double, mais qui fait partie des intelligences universelles? Es-tu capable de faire la nuance vibratoire? Je vais te parler de la perception que j'en ai. OK, vas-y. C'est que quand que je perçois mon double, c'est que je sens que la vibration est sans coloration astrale, tandis que si c'est un être, par exemple, de nature angélique, je vais comme percevoir sur mon écran mental un peu de rouge ou un peu d'orangé ou de jaune. OK. Puis quand tu vois avec une intelligence universelle qui n'est pas angélique, là, rien, là, qui appartient à la création des mondes, des temps, des galaxies. Ben, tu me parles de ça, puis je vois pas de couleur dans mon mental. OK. Fait que tu vois, tu peux même pas voir le lien avec ton double. Non. C'est ça. Donc, c'est la même chose. Quand on parle universel, on parle d'une conscience qui a traversé tous les temps de sa propre matière en lien avec son expérience d'âme. Ça veut dire qu'au niveau de ta sensibilité psychique, là, si je te demandais quelle est la capacité de ta sensibilité psychique à toi de te permettre de voir comment tu veux vivre ta journée? Ça serait au niveau de la définition de ce que je veux. Ce serait au niveau de la définition de comment tu la vois dans une journée. Tu as-tu des préformes? Oui, je peux avoir le matin l'intuition que la journée va être mouvementée, par exemple, là. Puis c'est ça? Souvent, c'est le cas, mais c'est pas Donc, absolu. Il y a des fois des interférences. c'est ça. Mais tu as déjà une sensibilité psychique. Tu es capable, extrasensoriellement, saisir le pouls de ta journée. Oui, mais pour être honnête, dans mon cas, c'est pas absolu. Je sais pas pour toi, Non. là, si tu en as une Non, mais mesure. un jour, ça devient beaucoup plus absolu. Puis c'est pas le mot, et j'utilise absolu, mais je vais utiliser un autre mot parce que c'est pas absolu, mais c'est plutôt une constance vibratoire. C'est une constance vibratoire dans le sens que quand tu sais que tu vas te faire chier, tu sais qu'il faut que tu donnes du temps au temps. Parce que la sensibilité psychique, ça travaille énormément avec le temps. Au niveau d'un mot que tu dois dire, par exemple, ça t'est-tu déjà arrivé, là, tu es obligé de l'écouter, la personne. Puis là, tu dis, ouais, je l'écoute encore. Puis là, tu l'écoutes encore. Puis tu l'écoutes encore. Puis là, tu la laisses se raconter. Ça fait 20 minutes qu'elle parle. Puis tu l'écoutes encore. Parce que si tu interviens 2 minutes avant, tu fuck tout le reste. Oui, c'est sûr Moi, qu'il y a un timing je suis qui obligé de parce faire des choses des fois, là, puis j'ai pas le choix de le faire. Puis c'est pas que c'est je veux le faire, mais je suis obligé de le faire. Je suis obligé d'attendre que mon café arrive pas, puis là, ça fait 20 minutes que j'attends mon café. Puis je suis obligé de rester assis là. Puis normalement, la Mais c'est fille quoi est qui honte. t'oblige à ça? C'est parce que si tu brimes l'autre, faut que tu aies une conscience de l'autre absolue. Ah, dans le sens Donc, de pas le brusquer, si tu attends le café puis tu demandes 2 minutes après, ça devient un manque de respect, alors que si ça avait 20 minutes, ça devient comme justifié. c'est en plein ça. C'est comme, tu peux pas faire des choses avant le temps. Par exemple, là, si David Lévesque t'a connu tout de suite, là, il y aurait plus de mouvements astral contre toi. Puis les gens se feraient plus astraliser pour qui se prend, pour qui se prend. Mais quand ça va être le temps que David Lévesque soit connu, je peux t'assurer que tous les paramètres de ta conscience vont être ajustés. Ça, Est-ce que oui. tu saisis ça? Oui, exactement. Et c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, pour moi, que je sois connu ou pas, ultimement, je m'en fous. Ce qui importe, c'est ma capacité d'intégration vibratoire puis Ouais. d'individuation dans ma vie présente. Donc, autrement dit, si pendant mon existence, entre le moment de ma naissance puis de ma mort, j'ai réussi à intégrer davantage d'énergie impersonnelle, j'aurais accompli quelque chose. Bravo, bravo. Puis la nuance, elle est toute là, c'est que tu t'occupes pas de ce que tu veux faire, ça t'intéresse pas, hein? Mais excusez, tu sais quand même que tu vas le faire. C'est ça qui t'intéresse. Ben, en fait, je te dirais que je m'intéresse plus à être bien dans ma peau, dans le ici maintenant. Oui. OK. Je vais t'amener, moi, David, à reconnaître une réalité qui fait partie de ta conscience, puis tu ne pourras pas déroger. Même si, le temps n'est pas venu pour toi de l'affirmer, tu vas être obligé de le constater. Il n'y a pas sur cette terre de lumière. Est-ce que vous constatez? Ben, il y en a un peu parce qu'il y a quand Il n'y même. a pas sur cette terre de lumière. Est-ce que vous constatez qu'il n'y a pas présentement de la lumière qui se vit sur Terre? Moi, je te dirais qu'il y en a au niveau embryonnaire. Je demande au niveau de la Terre. Globalement, il n'y en a pas, mais il y a Bon, quelques individus. embryonnaire, Oui. donc, est-ce qu'il y a des échelles ou des statuts de conscience qui émettent de la lumière? Il y a quelques individus comme nous autres, là, sur David Internet. Lévesque en est un. Marc de la Salle aussi. Et voilà, tu es obligé de l'admettre. Tu ne peux pas te dénigrer toi-même. Et Non. c'est ça la sensibilité psychique. Ça ne dénigre jamais. Ça reconnaît. Ça tranche. Parce que si toi, quand je dis au niveau global, il n'y a pas de lumière sur la Terre, c'est réel. Mais au niveau de statut individué de personnes qui émettent de la lumière, il y en a. Il y a une grosse crise de nuance entre les deux. Certainement. Bon, puis il y en a beaucoup plus au Québec qu'il y en a partout ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup plus d'individus comme ça au Québec que partout ailleurs dans le monde, puis que tous ceux qui sont canadiens, là, qui mangent toute de la marde. Ben là, fais attention, tu vas être accusé de zétophobie, Marc. On parle de toutes, là. On va les nommer de toutes les chamanes qui dirigent supposément les grands plans de spiritualité de la Terre. Oui, ben les maîtres de haute spiritualité qui vont Donc, manipuler des gens par des croyances. tu vois de qui on parle. Oui. Puis toutes les ésotériques, là, en Europe, là, qui nourrissent encore les formes, puis tout le mandat occulte de la lumière qui n'est pas de la lumière. Quoi qu'on a beaucoup d'ésotérisme quand même au Québec, Marc. Il y en a un petit peu. Mais quand on va dans la librairie, c'est surprenant le rayon des livres occultes là, qui touchent à la haute spiritualité, le Nouvel Âge, puis l'ésotérisme, là. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là parce que les gens sont pas prêts pour une vibration encore. Faut que tranquillement, ils s'amènent. Tu sais, quelqu'un qui lit un livre spirituel, son âme, elle vibre. Sa sensibilité se développe. Là, elle commence à se sentir, ah ben, moi aussi, je suis de la lumière. Tu sais, dans le temps du curé, on lui disait, faut aimer Dieu. Mais non, là, les gens commencent à se voir qu'ils sont de la lumière. Mais pour s'habiter en tant que lumière, faut bien qu'ils commencent à quelque part. Oui, mais le point, ce que je veux dire, c'est que quand on va dans les librairies au Québec, de mes observations, si on prend une librairie du Nouvel Âge qui vend des livres sur la conscience, ben quand que je vois là, puis je regarde la vibration des livres, au-dessus de 99% des livres, c'est pas réel. Non, c'est tout les hauts plans astraux. Puis c'est tout des messagers ou des canalisations qui ont parlé à l'homme en lien, non pas avec sa liberté, mais en lien avec son assujettissement Au au plan plan. astro, puis à ces C'est ça. entités-là qui sont C'est cela, canalisées, c'est cela. exactement. Fait que la sensibilité psychique, là, doit obligatoirement amener une personne à se reconnaître. Puis, tant que la sensibilité psychique n'est pas reconnue, l'individu ne peut pas se reconnaître. Puis, quand je parle au niveau de la lumière, moi, tu vas me poser la question, Marc, tu es un être de lumière, en totalité. Je te dirai même pas un petit peu. Puis, les gens, ils vont me dire. Les gens, ils diront ce qu'ils veulent. J'assume qui je suis. La problématique, par contre, que je peux te dire, même si je suis un être de lumière en totalité, je n'ai pas aucune autorité sur la Terre présentement au niveau du discours. Je n'ai pas aucune autorité non plus sur la Terre au niveau de l'information que je veux faire circuler parce que c'est les plans qui détiennent cette autorité-là. Les plans décident de l'autorité que l'homme a encore sur la terre, parce que même si je voudrais donner des conférences, puis je voudrais avoir du monde, j'en aurais pas tant qu'il ne le décide pas. Et là, ça nous amène à savoir pourquoi que les plans ne vont pas Ah. le décider puis ils gardent cette retenue-là. Donne-moi tes réponses en lien avec ta propre réalité, ta sensibilité psychique. Moi, j'en vois trois, mais j'aimerais ça que tu m'en donnes des réponses pour voir comment on peut regarder cette réalité-là. Bien, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est que les gens sont pas prêts à supporter ton taux vibratoire. OK, donc on va l'ajuster, ça. Le taux vibratoire est important. OK? Donc, j'enlève le mot personnel que tu m'as donné. Parce que c'est un mouvement impersonnel. Donc, le taux vibratoire, c'est une chose. Qu'est-ce que les gens peuvent supporter comme taux vibratoire? C'est très important. Ça pourrait être n'importe qui, ça n'a pas besoin d'être Marc de la Salle, ça peut être n'importe qui. Tu es d'accord? Oui. OK. Donc, autre chose que tu peux amener. Le taux vibratoire, c'est une des premières réalités. La Terre n'est pas prête à un taux vibratoire différent. Parce que pourquoi est-ce que la Terre était prête pour Bernard de Montréal ou que le taux vibratoire de Bernard de Montréal a été capable de se faire? C'est une bonne question, ça. Oui, ben, ce qui me vient en tête, c'est que les plans voulaient faire une percée. Puis OK. amener quelque chose de massif à court terme pour Bravo. dynamiser rapidement une certaine quantité de personnes. Oui, parce que bravo, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, pourquoi est-ce que présentement il ne se passe rien? T'as-tu une deuxième observation, une deuxième réalité? Les gens souffrent pas assez pour s'ouvrir à autre chose. La souffrance psychique de la Terre n'est pas assez élevée. Tu es d'accord avec ça? Oui. OK, donc, eux autres, ils parlent comme ça, c'est impersonnel. Troisième chose. Le temps est pas venu. Le temps n'est pas venu. Bravo. Le temps n'est pas venu. Pourquoi que le temps n'est pas venu? Puis il y a des gens qui vont contester ça, hein? Moi, ça fait des années que je conteste que le temps n'est pas venu parce que j'aimais ma liberté, j'aimais ma liberté, j'aimais ma liberté, j'aimais ma liberté. Tous les livres que j'ai écrits, si j'avais fonctionné, le temps n'est pas venu, j'aurais jamais écrit, hein? Tu es d'accord? C'est ça, mais il me vient en tête simultanément que le temps est venu pour toi, mais pas pour le collectif. C'est pas pareil. Et puis, c'est pas vrai non plus parce que le temps d'une conscience en développement est toujours là pour soi. Oui, c'est Toujours. ça, exactement. Fait Mais que... le temps d'une conscience publique comme Bernard de Montréal l'a été, c'est pas soi. Il n'y a aucune implication du soi, du moi dans ça. C'est universel, Impersonnel, c'est ouais. impersonnel. Pardon? Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est impersonnel. C'est ça. Donc, eux autres, là. Moi, dans ma sensibilité psychique, est-ce que tu penses que je les conteste pas sur le temps? C'est sûr. Puis sur la souffrance. Aussi. La seule chose que je peux pas y contester, c'est sur le taux vibratoire. Parce qu'eux autres appartiennent, ils savent quel taux vibratoire, comme tu disais tantôt, peut supporter telle lumière. Puis quand ils veulent, comme tu dis, créer une percée, une brèche, c'est eux autres qui a créé d'abord la percée et la brèche. Puis si il y a des gens qui ont assisté à des conférences, c'est les plans qui doivent la créer, la brèche, et c'est non des calculs mathématiques de comment pour nous autres de faire vendre notre matériel ou des stratégies qui vont faire la différence. Est-ce que tu peux voir ça? Oui, c'est sûr que ce n'est pas les stratégies marketing, qui vont Non. permettre ça, là. Donc, moi, j'ai toujours donné des conférences. J'en ai donné peut-être 4 ou 5 dans les derniers 2 ans. Pas plus que ça. Alors que j'en donnais facilement 6 à 7 par année. Puis, ça m'intéresse plus parce que ma sensibilité psychique doit être respectée intégralement. Qui veut dire, dans ma tête, je dis, quand vous voudrez quelqu'un qui parle en public, là, pour que ça soit intelligent, je suis un cheval de course, moi. D'ouvrir la barrière, je suis prête. Exactement, mais tu reviens un petit peu dans la même lignée que j'avais il y a 2, 3 ans, dans le sens que de faire des conférences qui ne te permettent pas de payer le coût de la salle, pour moi, c'était quelque chose qui était déséquilibré, là. Puis ça ne l'est pas parce que les plans de la lumière savent qu'est-ce qu'ils font avec toi. Tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas tout le temps avoir un calcul tant que ton taux vibratoire n'est pas capable de demander à la lumière. Puis durant tout le temps que je faisais ces conférences-là, là, si je demande, regarde, même s'il n'y avait pas de monde pendant, il dit, vous ne pouviez pas passer à côté de cela. Je voulais dire que j'aurais pu dire, là, vous ne pouviez pas passer à côté de cela parce que vous auriez énormément souffert. Votre taux vibratoire n'aurait jamais été celui qu'il est aujourd'hui. Vous ne pouviez pas passer à côté de cela. Comme toi, David, tu ne peux pas passer à côté de faire des entrevues avec des gens. Oui, c'est une nécessité évolutive. C'est une vibration. C'est pas une nécessité. On travaille sur toi, les plans de la lumière travaillent sur toi. Ils changent ton cortex mental, ils changent ta vibration à toutes les fois que tu rencontres quelqu'un qui met en vibration ta conscience. Puis ça peut être n'importe qui le fait. Exactement, d'où le fait qu'en réalité, ça pourrait passer par d'autres formes que les enregistrements. Ça pourrait passer par l'écriture d'un livre, ça peut passer par avoir un enfant, mais oublie pas une chose, la vibration d'avoir un enfant, c'est pas elle qui amène la vibration dans le monde de la lumière. Ça, c'est un mouvement personnel qui change systématiquement ta compréhension des mécanismes et des formes de vie, et c'est d'une structure de couple. Mais au-delà d'une structure de couple, il y a la parole qui doit être entendue, et la parole ne se construit pas du jour au lendemain dans une conscience. La sensibilité psychique de l'individu doit lui permettre de prendre le balancier de toutes ces polarités qu'il a dans sa conscience et toutes les mémoires qui nourrissent de l'astralité, il doit toutes les faire sauter pour que lui soit dans le centre. Puis, tu sais, un balancier, là, il est dans le centre, il bouge plus, il est neutre, mais il est capable. Son balancier est capable autant d'aller dans les mémoires pour étudier l'astral que autant d'aller dans les polarités d'une société pour étudier où est rendue la société. Donc, il est le centre de tout. Il est le centre de tous les univers. Comme moi, je suis le centre de ma propre vie, le centre de ma propre conscience et le centre de ma propre parole. Donc, si tu as atteint ce niveau de centricité, à ce moment-là, ça veut dire que tu serais prêt à faire de la diffusion pour le public. Ben, on va voir. On va voir. Puis c'est une belle constatation que tu fais là, parce que moi aussi, je l'ai dit comme ça. C'est que la lumière ne mettra pas n'importe qui pour parler en son nom, mais l'homme sait très bien que quand il va être parlé dans la société, il ne parlera pas au nom de la lumière, parce il va être une unité de conscience avec tous les systèmes parallèles, systémiques, les infinités. Il va comprendre le temps. Et c'est ce que l'homme ne comprend pas, le temps. Tu sais, toi, tu as commencé ça, David Lévesque, tu aurais dit, bon, ben, si je peux faire des entrevues, puis faire 200 $ par année, je serais très content, ou 200 $ par mois, je serais très content. Et ça fonctionne pas comme ça, parce que le temps ne nous appartient pas. Mais il nous appartient de ne pas se faire chier par la lumière. La liberté nous appartient. C'est C'est ça, que fait si je que... décide de faire une entrevue avec David Lévesque, j'en fais une qui mange la marde, eux autres. Exactement, mais le point que je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas se faire chier dans une Oui. initiation qui perdure pour Ouais. des raisons de zèle spirituel puis de sensiblerie à vouloir diffuser du matériel à tout prix. C'est ça. C'est là que ta sensibilité psychique doit contester tout ce que tu fais en lien avec ta liberté. Moi, c'est pour ça. Tu es libre, ça ne te tente pas, tu n'en fais pas. On ne fait rien pour la lumière. Moi, je fais absolument rien. Les gens peuvent penser que je parle pour la lumière. Je parle même pas pour la lumière. Qui mange la marde, c'ti? Je parle pour l'homme. Puis si les gens veulent écouter, tant mieux. Mais je fais rien pour la lumière, c'ti? Ils ont rien qu'eux autres, tabarnak. C'est eux autres qui l'ont fait, le Christ de planète. Ils ont inventé le monde de la mort. Ils ont inventé une âme. Ils ont inventé l'involution. Ils ont manipulé l'homme pendant des années jusqu'à temps qu'ils disent, ah, oh, ben, sais-tu qu'on a toujours été là. Puis ils ont inventé des religions. Puis ils ont laissé tout ça s'inventer au fur et à mesure, tu sais. Ils ont tout permis. Parce Exact. que quand ils ont envoyé le Christ, le pauvre Nazaréen s'est même ramassé sur une croix. Puis là, il a même dit, pour Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis quand il a compris il savait même pas que 3 jours plus tard, il allait ressusciter. Puis là, il ressuscite. Puis à un moment donné, il comprend tout que finalement, il était venu sur la terre pour faire quoi? Pour ouvrir les corridors du principe de l'amour. Fait qu'il s'est fait manipuler. Penses-tu qu'il veut se faire manipuler une autre fois par ces hosties de mouk-mouk-là? Ben, il risque d'être en crise. Eh, tabarnak! Le Christ reste dans la crise. Ben c'est ça, le Christ reste le Christ d'être en Christ. Fait que tu vois-tu comment ça va loin, l'orchestration du développement d'une conscience sur une planète qu'on appelle la Terre. Puis nous autres, on commence à savoir c'est quoi de la voyance prépersonnelle. Puis la voyance prépersonnelle, c'est toujours lié à ta sensibilité psychique. C'est-à-dire que si la voyance que tu as, là, prépersonnelle que tu as, ça sert pour les autres, c'est de la merde. Si ça sert pas à augmenter ta liberté puis à te protéger des hosties de pièges de l'astral, c'est de la merde, ta voyance. Mais si elle sert l'homme, dans le sens du principe de l'amour de l'humain pour l'humain, Comme Céline Dion, elle n'avait de la oui, voyance, c'était exactement. intelligent. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut apporter des nuances. Oui, ben c'est pour ça qu'on est deux. Oui, à parler exactement. Parce que dans l'habitation là, du principe de parler de conscience, il y a une énergie qui circule si les deux personnes se respectent. Puis il n'y a pas personne qui peut nous entendre puis dire ils ne se respectent pas, ces deux-là. On se respecte. Puis c'est la base de notre conversation ou de notre échange. C'est de dire, OK, on peut dire, OK, telle nuance, il faut faire telle nuance, c'est important. Oui, c'est dans le respect mutuel qu'on échange, parce que sans ça, ni toi ni moi n'accepterais d'échanger dans d'autres conditions. Puis on se reconnaît, chacun se reconnaît. Fait que moi, c'était ça mon propos, sa sensibilité psychique. Est-ce que tu avais des segments qu'on devait explorer? Oui, parce que dans ton étude, c'est sûr, il était question de la sensibilité, puis moi. Je voudrais faire des liens avec la vie de tous les jours, le concret. OK. Donc, est-ce que tu pourrais me donner un exemple s'appuyant sur le quotidien où on peut voir la nuance entre quelqu'un qui fait preuve de sensibilité et de sensiblerie par rapport au même événement? OK, un accident d'automobile. Vas-y. Là, une personne arrive sur un accident. Ah, c'est effrayant ce qu'il vit. Ah, sensiblerie. Sensibilité psychique. Est-ce que je dois les aider? Est-ce que je dois le, dois le, dois le. Comment je dois les soutenir psychiquement? Comment je dois être présent pour eux autres? Comment je dois être là pour les écouter? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai quelque chose à faire aussi? Oh, je voulais pas le dire, mais c'est toi qui le dis. Ça se peut que tu n'aies rien à faire. Oui, parce Sensibilité que psychique, il faut ça aller veut au-delà de la peut-être dire. spiritualité aussi. Ouais, parce que, tu sais, penses-tu, moi, que je vais arrêter le long d'un chemin quand il y a deux, trois morts? Moi, continuer tout droit. Parce que, sensibilité psychique, je sais que l'orchestration de la forme vient des plans. Et si j'ai quelque chose à faire, je le ferai. Mais les chances que j'ai rien à faire avec aller ramasser une tête ou quelqu'un qui est coupé en deux parce qu'il est d'un accident d'automobile, si jamais il me présente ça, là, c'est qui que je conteste? C'est les plans que je conteste. Et une fois, j'ai frappé un chevreuil. Puis ma sensibilité psychique, c'était d'aller voir le chevreuil puis de le flatter. Il avait son œil d'ouvert, là, je le flattais, je voyais, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait là? T'sais, il a sauté, les lumières, il était aveuglé, mais il a sauté dans la rue, puis je l'ai frappé. Il n'était pas déjà dans la rue, il a sauté devant mon pare-choc. Là, je l'ai frappé, je suis allé le voir. J'ai dit, va mourir dans le bois, là, parce que là, les policiers vont être obligés de venir, les gardes forestiers pour t'abattre en pleine rue, là. J'ai dit, lève-toi, puis va mourir dans le bois. Fait que je l'ai flatté au niveau du cou. Puis je voyais toute sa beauté puis sa souffrance. Puis à un moment donné, il s'est levé, paf, il est allé mourir dans le bois. Il t'a écouté. Ma conscience, c'était de lui parler comme ça, David. Mais Il ce m'a qui écouté est. ou pas, je m'en fous. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, l'individu dans l'avenir va pouvoir interagir avec les animaux d'une manière télépathique en lien avec sa sensibilité. De là, la sensibilité psychique. Tu sais, il y a des gens qui parlent à leur chat puis ils disent que leur chat les écoute. Oui, même chose pour les chiens. Bon, fait que quelqu'un qui est dans sensiblerie, il va prendre son chien, ben pourquoi tu m'écoutes pas? Tu devrais m'écouter puis tout. Mais non, laisse-les libres, parce que la sensibilité, là, c'est la liberté. La sensiblerie, il n'y a jamais de liberté. C'est toujours de la manipulation. Par exemple, oh, mais pourquoi tu me quittes? Je t'ai aimé, ça fait 25 ans, notre couple est finie. Je peux-tu m'en aller? Ouais, mais ça fait 20 ans que je t'aime. C'est de la sensiblerie. Donc, de la domination qui est derrière ça. Ben, c'est de l'astral. Ouais. La sensibilité, là, il n'y a jamais de domination, il n'y a jamais, il y a du respect, il y a beaucoup d'écoute, énormément d'écoute, puis beaucoup de nuances dans le sens, ah, tu veux partir, ça fait 5 ans qu'on est en couple, tu veux partir. Le seul lui qui est sensible, il va dire, y a-tu quelque chose que j'ai pas fait, que je dois savoir, qui t'a blessé, parce que j'aimerais m'excuser. Ça peut être dit comme ça. Ou encore, ça veut dire, ben, si tu veux partir, je suis content parce qu'à quelque part, t'es pas bien. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Mais là, on va dire, ben, peut-être que non, c'est que il est arrivé tel chose. Puis là, toi, tu t'excuses, puis le couple peut se rebâtir. Mais dans la sensiblerie, c'est beaucoup de l'accusation. Ben, pourquoi tu sens pas ce que je sens pas? Pourquoi tu sens pas ce que je sens? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est pourquoi que tu agis comme ça. La sensibilité psychique, c'est la constatation, c'est de la nuance. Une personne, par exemple, quelqu'un te manque de respect et où il veut pas écouter ce que tu as à dire, je dis, j'ai pas le droit de parler, là. Finalement, j'ai pas le droit de parler. Puis l'autre continue de parler, bon, ben, j'ai pas le droit de parler. Tu constates. Tu ne l'accuses pas. Tu sais, à un moment donné, là, tu te retires de ces discours-là Oui, tu restes parce que. dans une objectivité mentale au lieu d'entrer dans la subjectivité puis Ouais. la diffamation de l'autre. Donc, la sensibilité psychique, en contraste avec la sensiblerie, c'est toujours de l'intelligence, mais nuance. Tu nuances dans ton intelligence le propos. Alors que la sensiblerie, tu peux avoir raison de pleurer. Ton père est décédé. Tu as raison. Il y a une sensibilité qui est là. Mais là, tu commences à dire, mais pourquoi il est mort? Là, tranquillement, tu peux contester. Dans ta sensibilité, tu contestes la souffrance que ça te fait. Mais là, ouais, mais pourquoi il est mort? Il n'y aurait pas du mot. Là, plus tu vas, plus tu t'en vas dans la sensiblerie, puis tu divagues. Donc la personne a se réfléchit, puis Elle se réfléchit, puis elle diminue son taux vibratoire, puis elle n'a aucune intelligence possible, éventuellement, à moins d'un autre choc qui la mette en vibration pour que. Alors regarde là, ta vie, tu ne comprends pas ta vie, il faut que tu la comprennes ta vie. oui. La sensibilité psychique, là, si une personne ne comprend pas sa vie, elle n'aura jamais. Faut que tu comprennes toute ta vie, tu comprennes toutes tes mémoires, tu comprennes toutes tes souffrances, faut tout que tu élèves à un taux vibratoire absolu qui s'appelle la liberté. Faut que tu sois libre. Si je te pose ta question, cette question-là, tu es libre par rapport à la mort de ton père, David, oui ou non? Oui. Bon, fait que tu sais que tu es libre. Fait que ta sensibilité psychique augmente parce que tu n'as plus cette contrainte mémorielle-là à traîner sur tes épaules. Ton feu vibratoire et ta lumière de direction est plus grande parce que tu es moins attaché au passé. Puis toi, t'es libre par rapport à la mort de tes parents? Oh, tabarnak! Je vois qu'il n'y a pas Complètement. eu d'hésitation. J'étais libre le lendemain que mon père est mort. Fait que, puis mon frère me demande, il dit, je comprends pas que tu es bien. J'ai dit, Chris, j'ai la liberté. Il ne comprenait pas ça. Ben, le temps, ben, que sais-tu, quand ça fait 30 ans de ça, là, 25 ans, c'est sûr qu'il ne comprenait pas. Fait que la sensibilité psychique, c'était même moi d'annoncer, avant même que ma famille, tu sais, j'ai des frères, avant même que je les quitte et que je ne leur parle pas, je leur avais dit un souper, j'ai dit un jour, on ne se verra plus. Il y en a un qui pleurait, l'autre consolait l'autre. Je dis, je te comprends. Tu sais, je comprenais pourquoi il pleurait. Une grande souffrance d'entendre que son frère lui dit qu'un jour on ne se verra plus. Puis 10 ans plus tard, c'est arrivé. Puis ça fait 20 ans que je les vois plus. Fait que c'est comme ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça, c'est un autre point. Est-ce que c'était dans un respect de la sensibilité de l'autre, dans le sens que là, il n'était pas capable Tu peux d'encaisser pas cette... respecter le rythme d'évolution de l'autre. Tu peux pas freiner ton rythme d'évolution. Ton rythme d'évolution, c'est ta liberté. Ça veut dire que si tu as pu être en couple, faut que tu t'en ailles. Tu peux pas penser à l'autre. Faut que tu penses à toi. Oui, mais un peu comme Céline Dion le fait avec cette dame saoule qui est montée sur la scène. Ouais, C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle que a? dans son geste, elle a pensé à elle, au lieu de créer un choc puis de la repousser d'une Oui, manière mais cavalière de ça, la scène. il n'y avait pas de principe d'évolution en lien avec ça pour elle, David. pour Céline, il n'y avait pas de principe d'évolution en lien avec sa liberté, c'était juste en lien de respecter l'autre. Puis elle l'a bien fait. Mais quand on parle de principe d'évolution, de liberté, est-ce que toi, là, tu vas te donner la job d'aller visiter, je sais pas, telle personne à tous les dimanches ou à tous les mois ou à tout parce que c'est un frère ou un sœur, même si ça ne te tente pas? Est-ce que tu vas le faire? Non, non, je comprends, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc, le principe d'évolution d'une conscience ne s'arrête jamais aux portes de la sensibilité de l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Oui, tout en visant à respecter la sensibilité de l'autre dans la mesure du possible sans se faire chier. Ben, c'est sûr que moi, quand je les ai annoncés que je les verrais plus, je les écoutais, puis j'étais prêt. J'ai pas dit, ah, ben là, vous pleurez pour rien. Non, non, non. L'impact de ce que j'ai dit était très, très réel pour ces gens-là. Fait que, il y a des gens que tu vas lui dire quelque chose, mais moi, c'était pour un principe de liberté. Mais quand je dis conscience, je ne fais plus rien au nom de la conscience pour libérer les personnes de leur propre astralité. S'ils me demandent rien, je dis « sweet fuck all ». Puis c'est pour ça que je fais des conférences ou je fais des entrevues avec toi, parce que, à quelque part, je veux pas mettre le monde en initiation quand ils sont pas prêts. Puis tu sais ce que je dis, là, hein? Oui. C'est que si tu t'ouvres la trappe avec des gens qui sont pas prêts, t'es fait à l'os. Exactement, parce que ça crée par la suite des entrées astrales puis de l'opposition du plan astral contre toi. Mais alors que quand tu es public, puis tu es une conférence, les gens payent, ça veut dire qu'ils acceptent le mandat d'être exposés à ton verbe. Oui, puis même à ça, même en dépit de ce filtrage-là, il peut y avoir quand même des entrées astrales qui se glissent dans l'eau. Oui, puis c'est pour ça que la lumière, ça crée un taux vibratoire pour aller dans le public. Il faut que ce taux vibratoire-là soit un feu. Parce que sinon, ça donne absolument rien de cette personne d'aller là dans le public, parce qu'elle va se faire ramasser par l'astral. Puis si c'est pas le temps non plus, moi je les check, hein, la lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces plans-là. Kim Jong avec sa Corée du Nord, tu sais, qui dit pas qu'il fait pas une entente avec la Corée du Sud durant les Jeux Olympiques pour envoyer son armée? Tu sais, Hitler a fait ça, hein, avec Chamberlain en 1936. Qui était le premier ministre de Londres. Oui, puis ils ont fait un pacte aussi de non-agression avec la Russie, puis ils ont attaqué les Russes sur deux fronts, l'Est et l'Ouest en même temps, les Allemands. Ça fait que l'astral, là, c'est très, très fort. Hein? Ça fait que l'astral, c'est très, très, très fort. Moi, dans ma sensibilité psychique, je considère que le chaos à venir n'est pas qu'au niveau du climat. Il va être aussi financier et aussi politique et militaire. Donc, j'annonce rien, puis si on peut conclure l'entrevue là-dessus, ça ferait bien mon affaire, mais je peux répondre encore à une question. Oui, bien, tant qu'on ouvrait la porte sur Kim Jong-un, j'avais une question par rapport à toi, étant donné qu'en ce début de genre... Tu penses que je vais prendre sa place? Non! ça ferait changement, tu sais, à comparer tes enfantillages, qu'à un moment donné, quelqu'un de conscient, c'est ça, prendrait les rênes de la Corée du Nord pour les amener à vivre un rattrapage évolutif à comparer des autres pays, que ce soit asiatiques, ouais. Occidentaux. Mais ma question était par rapport à ceci. C'est que en début de janvier 2018, eh bien, Kim Jong-un a affirmé qu'il y avait le bouton nucléaire à la portée de la main dans son bureau. Puis par la suite, Donald Trump a répliqué sur Twitter avec un message qu'il y avait un plus gros bouton, puis lui, il fonctionne. Fait que là, moi, je trouvais que c'était un petit peu des enfantillages, comme l'enfant qui va dire « Ah, ben mon père, il est plus fort que le tien, gna. » C'est une psychologie très, très, très de bas niveau, et c'est une représentation des dangers qui menacent la Terre. Exactement, parce que... Faut que les gens lisent à travers la psychologie des hommes, à travers ça. Faut pas qu'ils voient, c'est les États-Unis qui vont gagner. Faut qu'ils voient où qu'on est rendu au niveau du principe de la psychologie du pouvoir militaire, politique sur la Terre. On est encore dans la phase du pouvoir militaire, un pays qui veut indirectement dominer l'autre ou quoi que ce soit. La Russie, penses-tu qu'elle n'aimerait pas ça, que les États-Unis soient sur le cul puis soient pas attaqués par Kim Jong? La Chine, qu'est-ce qu'elle en dirait si le stock market américain planterait le lendemain matin, puis que toute l'économie mondiale en lien avec l'Occident soit à terre? La Chine, elle, elle souffrira pas de ça. C'est un pays communiste. C'est ça, ça serait une opportunité par elle pour prendre le pas. Les gens, il faut qu'ils aient dans leur sensibilité psychique la capacité de faire des nuances. Toutes les études que l'on fait doivent être faites sur de la nuance, sinon c'est de la sensiblerie. Ah, c'est intéressant ça, hein? Oui. Oh! Mais le point sur lequel je voulais amener, c'est pourquoi que les forces de la lumière laissent des gens Ils ont aussi besoin de créer du grossiers. chaos. Ils ont besoin de Ben, créer. il en crée, c'est un petit peu comme deux enfants qui disent « Ah, moi, mon pénis est plus gros que le tien, j'ai plus gros Ouais, bouton que toi, mais tu le chaos à venir doit être préparé d'une certaine façon. Ils peuvent pas du jour au lendemain. Les forces de la lumière, là, s'ils voudraient faire arriver des volcans à l'infini, puis ils voudraient changer l'axe planétaire de la Terre, puis il n'y a plus d'informatique qui fonctionnerait sur la Terre, ils pourraient le faire du jour au lendemain. Mais ils travaillent sur la psychologie humaine. C'est pour ça qu'ils font ça, ces choses-là. Ils travaillent pas sur la psyché. Nous autres, on se fait travailler sa psyché dans les gens inconscients, mais la masse populaire, ils travaillent sur la psychologie humaine. Ils veulent leur démontrer le niveau d'incompétence et d'absurdité qu'il y a dans une vie linéaire à croire que c'est toi qui penses. Les gens ne sont pas prêts à connaître la lumière et c'est pour ça qu'on dit que la planète Terre appartient à la noirceur, parce que ces gens-là ne sont pas capables de faire la nuance entre qu'est-ce qui est réel. Qu'est-ce qui est de la manipulation? Qu'est-ce qui est un mensonge? Qu'est-ce qui est de la lumière? Un être de lumière peut. Toi, tu peux savoir c'est quoi un mensonge, tu peux savoir c'est quoi de la manipulation, tu peux savoir c'est quoi une psychologie enfantillage. Tu peux très bien te positionner par rapport à René Lévesque, puis je ne sais pas, moi, Justin Trudeau. Oui, c'est clair que je pense que tu vas être sur la même longueur d'onde que moi, que René Lévesque est un beaucoup plus grand politicien que Trudeau. Ben, justement, donc à quelque part, là, je parle de Justin, puis si on parle de Pierre Elliott, c'est la même chose. Pierre Quoique, je Elliott, trouvais que sa vibration était plus haute au père qu'au fils. oui, elle était plus haute, mais la domination, la manipulation de Pierre Elliott était très grande aussi, hein, parce que il était capable de manigancer, alors que Justin est trop naïf pour être capable de manigancer, malgré qu'il le fait en disant pas tout haut ce qu'il fait tout bas. T'sais, il va se promener chez Aga Khan. Qu'est-ce qu'il fait chez Aga Khan? Oh, c'est mon ami. Il y a eu une conversation avec dans les derniers 5 ans. Fait que j'ai hâte de voir si l'éthique qu'il va développer en 2018, parce qu'il commence à vraiment, vraiment se faire contester. Pas par le reste du Canada, hein, t'as remarqué, surtout par le Québec. Le reste du Canada, il l'aime. Il aime beaucoup Justin Trudeau. Puis tout Oui, va bien. mais nous autres, on est un peuple distinct, Marc, Et quand voilà, que tu et voilà. l'as dit tantôt. Donc, c'est sûr que la conscience supramentale va venir du Québec. Et puis, à un moment donné, j'ai hâte que ça apparaisse un peu plus là, sur la place publique avec nos dirigeants, là. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que il va falloir prendre notre mal en patience, parce que ça regarde pas bien. Non, mais si on en regarde le PQ qui est en train de s'enliser avec Jean-François Lisée, là, dans le sens que ça lève pas, là, en tout cas, Ouais, c'est c'est bon. pas drôle. Ben, ouais, je suis d'accord avec toi que on vit dans une époque difficile au niveau de la direction d'hommes politiques qui sont pas capables de prendre le créneau de la vie et de l'amener à un troisième étage. On est encore au premier étage au niveau de la vie. On est encore une psychologie animale. À un moment donné, il faut aller à une psychologie évolutionnaire. Puis après ça, il faut aller à une psychologie psychique, extrasensorielle. Donc, on a des croûtes à manger. Et voilà. Il y a beaucoup de Bon, ben. travail qui reste encore à faire, là. Ça, c'est clair, Ouais, là. ouais. Bon, ben. Un plaisir, Oui. David. Parfait. Donc, je te remercie Oui. du temps consacré et à bientôt. À bientôt. En terminant, je tiens à vous mentionner qu'en bas de l'enregistrement présent, figure un lien web où vous pouvez accéder au texte qu'a écrit Marc de la Salle portant sur cette quatrième étude effectuée ayant trait à la sensibilité psychique. Bonne lecture.